Nobody put baby in a corner. Salut Blockbuster, encore une super émission aujourd'hui sur Dirty Dancing. J'aimerais juste avoir une lecture un peu différente de la vôtre sur le rôle de Patrick Swayze. Je pense que au-delà du côté macho qu'on peut lui voir, ou même d'être un gros relou comme vous l'avez évoqué, il faut juste se dire qu'il est prof de danse. N'importe qui a pris un cours de danse dans sa vie sait que ces gens-là sont des gros frustrés mégalos et qui vont vous en faire baver. Waouh, quel bonheur! Merci beaucoup de m'avoir fait revenir 15 ans en arrière. Du coup, moi, j'ai été transportée dans le film et je n'ai plus écouté vos invités. Donc, à réécouter demain immédiatement en podcast. Merci beaucoup et merci Blockbuster. Au revoir. Moi, j'ai plus de 60 ans maintenant, mais j'adore ce film. Et voilà, je pense qu'il faut pas non plus oublier dans ce film Cynthia Robb, la première partenaire du personnage de Patrick Swayze qui va se retrouver enceinte et qui était une fabuleuse danseuse. Et puis le petit clin d'œil de Miranda Garrison qui fait le rôle de la cougar qui veut se faire payer des leçons par Patrick Swayze et qui en fait était elle-même dans la vie une très très bonne danseuse. On laisse pas un bébé dans un coin. C'est sur cette chanson et cette réplique culte que mon mari m'a mise dans son lit il y a plus de 20 ans. 20 ans plus tard, deux enfants, comme le dirait Frédéric, c'est avec des histoires qui payent pas de mine qu'on fait des grands succès. Merci Blockbuster pour cette super émission. Not to be. Le week-end dernier, je me promenais au Havre, caressant le secret espoir de rencontrer Édouard Philippe en train de fêter sa libération à la terrasse d'un café. Ne le trouvant pas, je décidais alors de faire comme tous les Havrais et Havraises que tu rencontres à samedi soir, c'est-à-dire lutter contre le Covid-19 en buvant des solutions hydroalcooliques, mais sans hydro. Oui, je sais, ça s'appelle des bières. Et alors que j'avais une conversation fort intéressante avec mon reflet sur une tireuse à bière, un autochtone qui avait reconnu ma voix par mon physique de radio s'approcha de moi et me demanda « Mais dites voir, vous aimez vraiment tous les sujets dont vous parlez dans Blockbuster ?»« Ah mais bien sûr !» lui répondis-je, avec peut-être moins de syllabes et plus fort. Comme dans une chanson d'Aloïs Sauvage, il fit une moue dubitative et ajouta « Même Mylène Farmer ?» Alors là, je plongeais mon œil dans le sien. Oui, un seul, car l'autre était parti se coucher après le deuxième bar. Et je lui dis, 36 ans de carrière. Une artiste qui, avec Laurent Boutonnat, a réussi à créer un style, une musique, un univers immédiatement identifiable. Des clips inoubliables. Des concerts qui sont autant des performances scéniques qu'une sorte de communion mystique et païenne. Une communauté de fans comme il en existe peu. Non, mon bon monsieur, en état d'ébriété, je n'aime pas même Mylène. J'aime surtout Mylène. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Sigrist. Si je dois tomber de haut, que ma chute soit lente. Je pense qu'à chacun son métier et je sais que je n'ai aucun don de, et de metteur en scène et d'écriture, en tout cas pour l'instant. Donc je serai actrice, chanteuse, je dirais point final. Pourtant, je voudrais retrouver. En 1984, la France découvre Mylène Farmer avec un premier titre, Maman a tort. C'est le début d'une histoire d'amour entre elle et le grand public qui ne va pas se démentir en presque 40 années de carrière. Artiste de la démesure, elle est une des rares, si ce n'est la seule, à pouvoir remplir le Stade de France plusieurs soirs et cela en seulement 2 heures de temps. Connue mondialement, son travail et son parcours ont suscité l'admiration d'artistes tels qu'Elton John, Madonna, Johnny Hallyday ou Aurel San et même Christine and the Queens. Pourtant, au-delà des chiffres, il y a une œuvre singulière, des textes aux résonances mystiques qui convoquent aussi bien le sexe, la religion, la mort, mais aussi une espièglerie tout enfantine. Secrète, Réti va donner des interviews. Mylène Farmer est un mystère. Mais pour bien comprendre la passion dont elle fait l'objet, car il s'agit bien de passion, j'ai avec moi Benoît Cachin, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au magazine TV Télécable Sat Hebdo et auteur de plusieurs ouvrages consacrés à Mylène Farmer. Votre dernier livre sur elle s'intitule Inspiration et est paru chez EPA en 2017. C'est ça. Avec nous également Thibaut Carayol, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du podcast Mylène Farmer Histoire 2, lancé en avril 2019. Ce podcast raconte et décrypte pendant une heure un album ou un spectacle de la chanteuse. Histoire 2, c'est déjà 15 épisodes. Deux hors-série et près de 400 000 écoutes. Et votre équipe revient à la rentrée pour les 4 derniers épisodes. Les 4 ultimes épisodes, oui. C'est toute une épopée. Avec nous également Sophie Kerala, bonjour. Bonjour. Vous avez été journaliste et êtes maintenant professeur de français. Oui. Vous êtes l'auteur de deux ouvrages consacrés à Mylène Farmer, Mylène le culte et Mylène de scène en scène, coécrit avec Julien Autier, paru aux éditions Hors Collection en 2019. Tout à fait. Ensemble, en une heure de temps, alors il ne s'agira pas de tout vous dire sur Mylène Farmer, de toute façon, on ne pourra pas être exhaustif et puis on n'aurait pas le temps. Et puis de très bons podcasts tels que Histoire 2 sont précisément là pour ça. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer durant cette heure de vous faire comprendre comment Mylène Farmer a su créer un univers musical totalement singulier dans la chanson française, qu'est-ce qui, chez elle, plaît tant aux fans, et peut-être, qui sait, vous donner envie d'écouter Mylène Farmer autrement. Je pense que ce que je propose depuis le début, je pense qu'il y a un fil conducteur, sans pour cela faire à chaque fois la même chanson, ni les mêmes textes. Quand maman dise do, elle m'oubliera trop. Les yeux mouillés, 4, j'ai mal, 5. Je dis ce que je veux, 6, je suis malheureuse, 7. Je pense pas souvent, 8, et vous? C'était un extrait de Maman à tort, sorti en 1984, que l'on peut ensuite retrouver sur l'album Cendre de Lune, sorti lui en 86. Benoît Cachin, oui. D'où vient Mylène Gauthier, dit Mylène Farmer? Eh bien, écoutez, elle vient du Canada, hein, elle vient du Québec. Donc elle est née le 12 septembre 61 au Québec, à Pierrefonds, c'est dans la banlieue de Montréal. Et en fait, elle est la fille d'un ingénieur des ponts et chaussées qui était détaché pour construire un barrage dans la région, d'où sa naissance en 61 à Montréal, quoi, à côté de Montréal. Et donc elle a deux frères et une sœur, Brigitte, Jean-Loup et Michel, et elle est restée, on pense, parce qu'avec Mylène rien n'est jamais sûr, surtout quand il s'agit de son enfance, on pense qu'elle est rentrée à peu près en 1970 à Ville-d'Avray dans le 92, dans la région parisienne. 70 parce que c'est l'inauguration du barrage, donc il était terminé, donc le père n'avait plus rien à faire au Canada, donc on pense que c'est 70 ou 71, voilà. En tout cas, elle rentre en 6e à Ville-d'Avray en 92, donc elle vient du Canada et après elle retrouve la France, quoi. Elle découvre la France enfant, en fait, hein. Et initialement, elle se destine à une carrière de comédienne, vu qu'elle fait les pas du tout d'écuyère plutôt, hein, parce qu'elle est passionnée d'équitation et elle voulait vraiment faire le cadre de Saumur. Et en fait, elle va avoir un accident qui va provoquer une fracture à la clavicule et puis un traumatisme crânien qui va l'empêcher de continuer. Ce qui arrange bien ses parents, parce que ses parents n'étaient pas du tout pour cette carrière-là. Ils voulaient qu'elle passe son bac, donc elle va aller 3 jours en terminale. Et puis elle va arrêter ses études là. Voilà, donc. Et après, elle va s'inscrire au cours Florent. Donc, Initialement, elle le dit au début, d'ailleurs, c'est vraiment ce qu'elle voulait faire. Et d'ailleurs, elle va très souvent monter à cheval dans ses clips, hein, par exemple. Dès 86, c'est Libertine, elle est à cheval. Et est-ce que c'est ça qui explique aussi son rapport aux handicaps des enfants ou... Alors, ça, c'était plutôt quand elle était jeune, elle visitait, elle est à Garches, à l'hôpital de Garches, elle visitait, mais je pense avec sa classe, hein, ou avec d'autres enfants. En tout cas, elle visitait des enfants malades. C'est ce qui l'aurait vraiment séduit. Voilà, elle avait de l'empathie pour ses enfants plutôt que. Et donc, voilà. Comment s'est passée ensuite la rencontre avec Laurent Boutonnat et Jérôme Dahan? Bah écoutez, au cours Florent, elle a fait des petits boulots, elle a fait des publicités, elle a fait un peu de mannequinat, et puis elle était amie avec Jérôme Dahan, qui lui-même était un musicien, auteur et compositeur d'une chanson, en particulier avec un autre compositeur qui s'appelle Laurent Boutonnat. Ils avaient fait une comptine au début des années 80. Et donc personne n'en voulait, hein, elle était destinée à Lio a priori, et ce qui lui aurait assez bien correspondu d'ailleurs à Lio, qui va la reprendre des années plus tard, cette chanson. Mais bon, personne n'en voulait, donc ils ont décidé de faire passer une audition, et Jérôme Dahan, qui était ami avec Mylène, a dit bah viens passer l'audition. Donc elle a passé l'audition, elle a été retenue. Alors Jérôme Dahan dit qu'il y avait que 10 filles à l'audition, Mylène dit qu'il y en avait 50, donc là aussi c'est un peu compliqué de savoir qui dit vrai. Je n'y étais pas, donc il y avait en tout cas plusieurs filles. Elle a été après un deuxième tour, on va dire, elle a été choisie surtout par Laurent Boutonnat, qui est tombé tout de suite, je pense, amoureux de Mylène. Thibaut Carayol, votre rencontre avec Mylène Farmer, c'est arrivé quand et avec quel album ? Alors moi, c'est arrivé à la fin des années 90. Moi, j'avais, je suis plus jeune autour de la table, mais j'avais 7-8 ans. Merci. Moi, j'avais 7-8 ans. Mylène Farmer, elle existait, hein, dans mon imaginaire. Elle passait souvent à la maison, d'ailleurs. Enfin, ses musiques, ses clips, évidemment. Oui, là, le mec est super bien implanté. Ouais, non, elle prenait pas le café les dimanches. Non. Mon souvenir le plus marquant, moi, c'était en juin 99. Je m'en souviens très bien. Je regardais des clips le matin à la télévision, et là je vois ce clip avec du sang, du sexe, de la mort, de la religion, de l'amour, un espèce de maxi best of golden de Mylène Farmer. C'était le clip de Je t'en ton amour, et puis ça a été un choc visuel déjà, de l'image et de la musique. Je pense que c'est ça Mylène Farmer, c'est la combinaison de tout ça. Et puis 21 ans après, je suis au micro de France Inter pour en parler. C'est dire si ça a été marquant quand même. Ce qui est assez étrange avec Mylène Farmer, c'est que dès Maman a tort, il y a déjà en germe le style Mylène Farmer très très fort. Ouais. C'est-à-dire en termes d'image, en termes de son, en termes de texte, on est déjà dans une version finalisée d'elle-même. Ah oui, moi qui suis le plus vieux autour de cette table, j'ai acheté le 45 tours Maman a tort, la version noir et blanc. Les fans comprendront ce que je dis. Donc c'est vraiment, et je l'ai découverte à une de ses premières télévisions, c'était à Champs-Élysées avec Michel Drucker, et elle a tout de suite, elle a imprimé quelque chose de différent, quoi, de décalé, il y avait quelque chose d'étrange chez Mylène tout de suite. On va évidemment continuer de parler de Mylène Farmer, mais pour le moment, on l'écoute reprendre un de ses tubes en live en 2019 sur la scène de Paris La Défense Arena. Sans contrefaçon, et j'en profite pour vous dire que cette émission est réalisée par Céline Hila. Elle a été préparée par Jeanne Paravert et Sarah Masson, avec l'aide de Tom Malky, notre stagiaire. Muriel Pérez est à la programmation musicale et Kevin Pelot à la technique. C'était la version live de 2019 de Sans Contrefaçon de Mylène Farmer. Vous êtes bien dans Blockbuster sur France Inter. Oui, Mylène Farmer sur France Inter. Et nous sommes toujours avec les journalistes Benoît Cachin et Sophie Kerala, ainsi qu'avec le rédacteur en chef du podcast Mylène Farmer Histoire 2, Thibaut Cariol. C'était un extrait de Libertine sorti en 1986 sur l'album Cendre de Lune. Sophie Kerala, on a entendu le live de 2019, sans contrefaçon, mais Mylène Farmer, c'est avant tout, en plus d'être une musicienne hors pair, une bête de scène incroyable. Il se passe quelque chose durant ses concerts. Il se passe systématiquement quelque chose, oui. Je n'ai pas assisté à 89, je l'ai vu en vidéo. Gros regret de ne pas l'avoir vu, mais je l'ai vu en vidéo. Là, il s'est passé quelque chose à travers la vidéo aussi. Et en plus, à l'époque, en 89, quand elle a débuté, il n'y avait pas Internet. On n'avait pas les moyens de communiquer comme on a aujourd'hui. Donc c'est vraiment le bouche à oreille, je pense, qui a encore plus encouragé les gens à aller la voir. Et quand on regarde le concert de 89, on voit qu'il se passe quelque chose entre le public et elle. Il y a un véritable coup de foudre. Les gens ne l'avaient vu avant que lors de prestations télévisées. Donc, ils devaient déjà être un petit peu en admiration. Mais quand elle est sur scène, il se passe véritablement quelque chose. Elle a une véritable aura, quelque chose d'assez prenant. Parce que c'est quand même une des premières artistes françaises à avoir imposé un style chorégraphié comme ça. Je ne sais même pas s'il y en a d'autres avec une installation pharaonique. Non. Ah c'est bon. Pas du tout la première à avoir fait des très grandes scènes avec des danseurs. La première, c'est Sylvie Vartan, 1970. Donc, je suis en 77, c'est pour ça. voilà, mais 20 ans avant Mylène Farmer, Sylvie Vartan était déjà sur scène avec 30 danseurs, des costumes et des décors. Donc Mylène Farmer n'a rien inventé, d'autant plus que son manager de l'époque, en 89, c'était Bertrand Lepage, qui était un immense fan de Sylvie Vartan. Donc ceci explique aussi peut-être cela. Mais s'il y a eu un grand succès en 89, c'est pas juste parce qu'il y a eu le bouche à oreille, c'est parce qu'en 89, ça fait quand même, on va dire, 3 ans depuis Libertine, qu'elle enchaîne les tubes comme personne. C'est-à-dire qu'elle est numéro 1 du top 50. Et les clips sont absolument des bijoux que tout le monde regarde avec beaucoup d'intérêt et même se précipite pour regarder les clips. Et elle enchaîne tube sur tube pendant 3 ans. Quoi. C'est assez fou. Hein. Thibaut Carrière ? Moi, si je peux nuancer par rapport à ce que vous disiez, Frédéric, c'est que Mylène Farmer, elle a fait ça à l'ère de la vidéo. À l'ère de, c'est ces artistes MTV, c'est Michael Jackson, c'est Madonna, et c'est peut-être pour ça qu'elle est plus restée comme bête de scène via l'image, en tout cas. C'est une question prenante. De génération, c'est oui, tout. Oui, aussi, je pense. Mais les clips, les concerts aussi passaient à la télé. Elle faisait même des clips d'extraits de concerts. Donc c'est vrai que c'est ce qui a dû marquer. Et parlons justement de ces clips parce que c'est indissociable de son image. C'est là pour le coup. Alors, peut-être que vous allez me dire qu'il y avait des gens qui l'ont fait avant. Oui, il y a Michel qui l'avait fait. Mais n'empêche que ces clips, c'était des courts-métrages. Ah oui, ça a été, c'est la première. Alors là, pour le coup, rendons à Mylène ce qui appartient à Mylène, c'est-à-dire qu'elle s'est vraiment inscrite dans la veine de Michael Jackson. C'est-à-dire que Thriller 82, c'est la révolution totale, on va dire Billie Jean même déjà. Billie Jean et évidemment Thriller, c'est la révolution dans le clip. Et Mylène et Boutonna, surtout Laurent Boutonna, parce que faut pas l'oublier non plus. C'est lui le réalisateur des clips, qui va lui faire un clip absolument dément qui est Libertine, avec 3 bouts de ficelle d'ailleurs, ce qui ne se voit pas, ce qui prouve que Laurent Boutonna est un grand réalisateur. Et là, ça va être une révolution, vraiment. Et surtout, ils vont avoir une idée de génie de marketing. C'est-à-dire que pour la première fois, un clip va être diffusé à la presse dans un cinéma. Alors, parce que faut quand même rappeler que quand Libertine sort, Mylène n'a pas beaucoup de succès, hein. C'est pas un succès de dingue, hein. La numéro 1 en France, c'est Jeanne Masse. Voilà. Qui vend 1 million de singles, qui remplit, Bercy, voilà. Mylène n'a pas du tout de fest, de scène. Donc c'est vraiment, et quand sort Libertine, ça sort un peu dans l'indifférence, hein. Elle s'est plantée avec On est tous des imbéciles, Plus grandir, voilà. Sa carrière, elle a changé de disque. Elle a une dernière chance avec Libertine. Et c'est vraiment le clip qui va être diffusé sur les Champs-Élysées pour les journalistes. Et les journalistes vont sortir de là, éblouis. Alors là, c'est le bouche à oreille. Et là, ça va être un raz-de-marée. Sophie Kerala. Benoît, vous parliez de Libertine. Il y a aussi le fait que Mylène passe de brune à rousse. Sur l'idée... grâce à Bertrand Lepage, j'y arrive, qui était lui-même roux et qui adorait Mylène. Et il lui donne cette idée et elle fait ce clip en roux. Et d'ailleurs, Libertine a connu deux pochettes. Il y a eu la pochette de Libertine, Mylène Farmer en brune. Et la pochette Mylène Farmer en rousse. Et c'est là que ça a contribué à l'immense, au gros décollage de la carrière de Mylène, vraiment. Et cette tradition de travailler avec des réalisateurs très marqués, on la retrouve ensuite tout au long de sa carrière. Abel Ferrara, Luc Besson, Pascal Laugier, Thibaut Carriol. Il y a vraiment aussi une veine cinématographique qui s'est créée en parallèle de sa musique. Ah ben tout à fait, puisque même à l'époque, elle faisait des clips qui étaient aussi très longs. Je pense, pourvu qu'elle soit douce, qui fait presque 18 minutes, qui est la suite de Libertine. Hein. La suite, ouais. Elle revient, ça fait quasiment une demi-heure. Elle est pas contente, c'est elle ça. Est prête. une bonne annonce. C'est quasiment une demi-heure. Elle est pas contente. Les deux clips réunis, ça fait quasiment une demi-heure, c'est et énorme. Et en fait, on interrogeait Laurent Boutonnat à l'époque, on lui disait, mais quel intérêt en fait de faire des clips, sinon ils passeront pas à la télé. Et il avait cette réponse qui peut paraître bête, juste le plaisir de le faire. En fait, et c'est le plaisir en fait de. Oui, mais c'était vraiment audacieux. Et puis après, elle est allée vers des réalisateurs, Luc Besson qu'elle connaissait déjà puisqu'elle avait participé comme figurante au dernier combat. Et puis après, elle a fait appel à Abel Ferrara sur California. Et puis il y a plein d'autres. Jérôme Dahan. Olivier Dahan. Jérôme Dahan, c'est maman temps. Ah non, Olivier c'est un débat. Non, c'est le réalisateur. Non, c'est moi qui me trompe, c'est pas Jérôme, c'est Olivier Dahan. Olivier Dahan. Qui a réalisé un clip. Et là, on parle vraiment de la forme, de l'image qui accompagne Mylène Farmer, mais aussi ses textes. Benoît Cachin, qu'est-ce qui caractérise les textes et les chansons de Mylène Farmer? Bah, c'est des textes assez élaborés, très poétiques. Elle emprunte quand même beaucoup, beaucoup à la poésie. Hein. C'est emprunté, même c'est un euphémisme parfois. Donc, elle va chercher des auteurs, alors qui sont très évidents. Par exemple, je pense à Baudelaire ou Edgar Allan Poe. Elle a même une chanson qui s'appelle Alan. Donc là, c'est clairement identifié. Elle a repris l'horloge, évidemment, des Fleurs du Mal. Et puis d'autres références qui sont un petit peu plus pointu comme Pierre Reverdy, comme Emily Dickinson, où là c'est un peu moins évident de les reconnaître. Donc voilà, mais c'est elle a toujours des thèmes de prédilection qui sont le héros, c'est Thanatos, hein, c'est un peu ça Mylène. Alors on va écouter California, tiré de l'album Anamorphosé, sorti en 1996. J'aime provoquer, ce n'est pas mon seul but, mais c'est vrai que j'ai un goût pour la provocation, enfin, le goût des choses un peu choc. Thank you. C'était California de Mylène Farmer. Frédéric Sigrist. Blockbuster sur France Inter. Alors il y a toujours un moment laborieux dans l'émission, hein, ce moment où on redonne pour la énième fois des informations qu'on donne dans chaque émission, mais il faut penser aux nouveaux éditeurs. Eh bien ce moment, c'est maintenant. Ah, je rappelle que vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de l'émission au 01 56 40 30 20. Alors on parle de Mylène Farmer, mais effectivement il y a des informations qui nous sont inconnues parce que Mylène est quelqu'un de très très très secret. Et d'où vient ce rapport un peu conflictuel avec les médias qui... rapport conflictuel qui ont qui ça dès le début ça c'était un peu compliqué. Benoît Cachat. Non, pas du tout. Au début des années 80, c'était à partir de on va dire de 84 à peu près jusqu'à 95 justement, Anamorphosée, elle fait énormément de promotions, Mylène. Mmh. Elle fait tout, elle fait même l'Académie des Neufs, elle fait les émissions de Colaro, elle fait les jeux de 20h sur FR3, j'imagine, oui. À l'époque. Elle fait toutes les émissions, tout ce qui existe. Elle fait même les derniers Carpentiers, je pense à celui avec Chamfort, il y en a un avec Souchon, etc. Elle fait absolument toutes les émissions. À partir du moment où elle a sa victoire de la musique, on a l'impression, en 88, qu'elle prend un petit peu de recul avec tout ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'artistes, et j'en connais pas mal, qui aimeraient, qui envient beaucoup Mylène Farmer, parce que elle a pas besoin de faire de la promo, notamment à partir des années 90. Elle a plus besoin. À partir de 91, elle cartonne avec Des Enchantés. C'est un tube monstrueux. Elle a absolument plus besoin. Elle s'aperçoit que, déjà, je pense qu'elle n'aimait pas trop l'exercice de la promo. Et le côté justement un petit peu mystérieux, elle s'aperçoit que ça marche très très bien et que ça l'arrange. Parce que, vous savez, il y a beaucoup d'artistes qui n'aiment pas du tout faire la promo, hein, d'aller vendre leur salade à la radio, à la télévision, désolé, mais ils n'aiment pas trop ça, donc elle a pas besoin de le faire, elle cartonne sans, donc voilà, et ça marche encore maintenant. Alors, moi, j'étais resté sur l'idée que dans les médias, soit on lui reprochait d'en montrer trop, soit de pas en dire assez, et c'est vrai que Mylène Farmer, il y a des gens qui n'aiment pas. L'intérêt, bien sûr, il est esthétique, il est visuel. Bon, j'ai l'impression un peu que vous construisez une œuvre. Mais est-ce que c'est vraiment utile, un clip comme ça de 15 minutes, à part, c'est pas du tout une agression, pour vous faire plaisir? Elle a strictement rien dit. Je sais pas si vous avez regardé. Il n'y a aucune information. Je crois qu'elle a rien à dire. Ben là, oui, non. Déjà, je comprends rien à ce qu'elle chante, donc quand elle parle. Il y a une chose que vous devriez faire, à mon avis, c'est vous devriez, avec vos disques, mettre une notice explicative, parce qu'on ne comprend pas toujours. C'est toujours assez allusif. Voilà. Vous comprenez pas quand elle chante? Ah, du tout. Ben, il faut du temps, quoi. Je suis libertine, je suis une star. C'est là qu'elle est très forte. C'est qu'en fait, elle balance toujours le petit refrain pour qu'on retienne, et puis tout le reste au milieu, on comprend pas. Et c'est toujours cette dualité entre Mylène Farmer, la véritable personne, je dirais, et puis aussi Mylène Farmer telle qu'elle est sur scène, un peu agressive, même agressive sexuellement. Sa dernière chanson, vous dites, ça s'appelle ? Elle s'appelle Fuck Them All. Normalement, on dit Fuck Them All, hein, pour entendre, mais là, c'est Fuck Them All. Le problème, c'est qu'elle danse tellement que je peux pas croire une seconde qu'elle chante tout le temps. Parce que c'est pas possible. C'est vrai qu'elle a un public aussi d'adolescents un peu tourmenté, oui. Pas... limite suicidaire, mais moi je on va pas piquer ton public, Marlène, hein, garde-le, hein, je t'en supplie. Pas Marlène, Mylène. C'est pareil. Et vous souvenez qu'elle avait fait un film qui avait été le beat de l'année. Ce film était resté 8 jours à l'affiche. Vous souvenez de ça? Oui, par boutonnat, donc preuve qu'elle était plutôt déboutonnat d'ailleurs, parce qu'elle est plutôt nue dans ses clips. Oui, déboutonnée, vous voulez dire. Voilà, exactement. On va dire Mylène Farmer, décidément, est de plus en plus masculine. Bon, allez, quittons Mylène Farmer. Oui, au revoir, Mylène. J'aime pas. Alors. Moi, je veux bien qu'elle ait fait de la promo, mais quand même, quand on écoute, on sent qu'il y a certaines personnes qui ont la dent dure contre Mylène Farmer. Oui, ça a toujours été. Je ne sais pas pour vous, autour de la table, mais moi, quand je disais que j'aimais Mylène Farmer quand j'étais jeune, c'était difficile à assumer. Hein. Dans les années 90, c'était difficile à assumer. Et aujourd'hui... Il y a Benoît qui veut vous faire... Non. Pour moi, ça l'était. Moi, je suis vieux. Pour moi, ça l'était. Et encore aujourd'hui, je sens bien le regard de certaines personnes, genre, oui, Mylène Farmer. Et je veux rebondir sur quelque chose que j'ai entendu. C'est ça qui est intéressant justement chez Mylène. La personne qui disait, oh bah oui, on comprend pas quand elle chante. Mais c'est ça qui est intéressant justement, c'est que elle réussit à capter l'attention populaire le plus large possible avec des tubes. Mais effectivement, derrière, si on s'arrête à ça, oui, c'est une chanteuse de variété populaire, c'est sympathique, ça nous fait danser. Mais justement, il faut ouvrir les livrets. Et on est obligé d'ouvrir les livrets avec Mylène. Et c'est là qu'on découvre des pépites. Enfin, moi, en tant que prof de français qui a fait des études de lettres, je sais que je me suis régalée. C'est de la figure de style sur figure de style. Ce sont effectivement des références à de grands auteurs. C'est voilà. Alors, tout n'est pas toujours inspiré, mais moi, j'aimerais qu'on me dise ici qui a fait une carrière immense avec que des titres inspirés. Voilà, il y a des ratés, ça arrive. Mais dans l'ensemble, c'est quand même honnête. Et puis, une chose très importante, elle écrit ses textes. Et ça. Ça a toujours été, bon, sauf sur le premier album, il y a quelques titres quelques titres qui sont signés par Mylène, mais après c'est tout le temps elle. Et ça veut dire qu'on suit l'évolution de la femme, il y a une véritable honnêteté dans cet emballage très variété qui fait danser. Il y a une véritable sincérité, une sincérité de l'artiste, et ça je trouve que c'est beau. Thibaut Carriel. Sur le mystère, le silence, l'absence, vous avez fait un épisode la semaine dernière sur les Daft Punk, qui je pense qu'on leur a jamais reproché ça. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Là en ce moment, ces dernières années, il y a le groupe PNL par exemple, qui a basé toute sa stratégie marketing là-dessus. Ils ne donnent pas d'interview, ils activent leur fanbase sur les réseaux sociaux pour faire du buzz qui est ensuite relayé dans les médias. Et on trouve ça fabuleux. Oui. Alors que Mylène Farmer, finalement, elle fait ça. Moi, je la crois quand elle dit tout le temps, c'est ma nature profonde d'être comme ça. Je pense qu'elle est sincère dans sa démarche. Je pense qu'elle n'aime pas ça. Elle a le luxe de ne pas le faire. Bon. On ne reproche pas à Goldman ni à Cabrel. Exactement. Mais je vais me permettre de rebondir d'ailleurs par rapport à la sincérité. Moi, je demande, est-ce que vous avez déjà vu Mylène Farmer faire de la publicité pour des pâtes? Est-ce que vous avez déjà vu Mylène Farmer, là, par exemple, on a eu le confinement. Ah, Benoît, il se souvient d'une pub de Mylène Farmer pour de la lessive. Ah oui, mais au tout début de sa carrière. Parce que c'était avant voilà, qu'elle chante. Elle évidemment. Fait pas Optique 2000. pareil, est-ce que, enfin, bon, voilà, juste pour rebondir, mais là, récemment, il y a eu un événement quand même dans la vie de tous qui a été le confinement. Et puis cet élan soudain d'amour pour les soignants. Mylène a-t-elle fait la chanson pour les soignants? Non, Mylène a fait un dessin. Et c'est beaucoup plus discret. Voilà, c'est ça qui est bien chez elle, c'est qu'elle sait utiliser les médias, mais s'en éloigner, et elle n'abuse jamais de ça, je trouve. Et est-ce qu'on la voit partout sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'elle envahit comme Madonna Instagram avec ses photos? Non. Merci Mylène, merci, vraiment merci. Merci de garder cette dignité. J'aimerais vous poser la question à vous trois. Est-ce que vous pensez qu'on parle aujourd'hui de Mylène Farmer avec l'importance qui lui est due? Parce que c'est quand même une star qui est capable de remplir un stade en 2 heures, qui fait sale comble depuis des années, qui cumule un nombre de singles numéro 1. On encense Johnny Hallyday, et il y a Mylène Farmer qui a quand même un monument, et on a l'impression qu'on est un peu plus discret avec ça. Je le ressens comme ça, Thibaut Carriol. J'ai même l'impression que c'est acté. C'est qu'on dit souvent, Mylène Farmer, oh, elle a encore fait une résidence complète de 9 dates de 25 000 personnes, sans faire de promotion, elle est encore numéro 1. Il y a quelque chose, c'est un vrai blockbuster, Mylène Farmer. Pour le coup, elle mérite son épisode dans votre émission parce que. Évidemment. Il y a le succès qui est là. Qui en doutait. Mais c'est vrai que, aujourd'hui, on est presque, j'allais dire, c'est un peu fou, mais blasé de son succès. Voilà, elle est encore numéro 1, elle a encore disque de platine. C'est peut-être pour ça, finalement. On attend peut-être qu'il y ait un échec, finalement. Mais il y en a eu des échecs, mais il y a aussi sa discrétion. Musicalement, il n'y a jamais eu d'échec. En album, en tout cas, il y a eu ce fameux film dont on a parlé, qui est Giorgino, voilà, un film de Laurent Boutonnat qui est sorti en 1994. C'est l'œuvre d'une vie, voilà, et ça a été, c'est la clé de voûte de la carrière de Mylène Farmer. C'est-à-dire, celle qui arrive après la Mylène Farmer, on va dire, dark des années 80, et celle qui va tourner vers la Mylène Farmer lumineuse, voilà, je synthétise, des années 90, quoi. Et depuis, en tout cas, voilà, il y a un succès qui est constant. C'est admirable. Faites l'amour, nous la guerre, nos visages en verre. C'était un extrait de Fuck Them All que l'on peut retrouver sur l'album Avant que l'ombre, sorti en 2005. Sophie Kerala, cette chanson, elle précède de très très loin le mouvement MeToo, et pourtant on sent une Mylène féministe dans cette chanson. Oui, Mylène, déjà Mylène est une femme. Alors ça ne résume pas tout. Mais ça explique peut-être ça la manière dont on en parle. Ça forcément une féministe, mais j'ai pas entendu votre question. Mais ça explique peut-être la manière dont on en parle. Oui, en plus Mylène, à travers ses clips, elle s'est toujours mise en scène dans des rôles de femmes, je parle de la grande époque des clips, hein, mais dans des rôles de femmes combattantes aussi, victorieuses contre quelle que soit la forme que prenne le mal, j'ai envie de dire, sans jeu de mots. mais déjà il y a ça, et puis oui, c'est du féminisme à la Mylène Farmer, discret. Il faut encore une fois ouvrir le livret, il faut comprendre qui elle vise dans cette chanson, et on découvre là encore un texte très bien écrit et appréciable. Merci à elle. Benoît Cachin, vous me disiez qu'en fait, si on parlait différemment de Mylène, c'est aussi parce qu'elle était encore en vie. Oui, absolument. Je pense que Johnny, il ne faut pas oublier qu'il a été très longtemps ringardisé. Hein. Il faut vraiment attendre, limite les vieilles canailles à la fin, où on commence à se dire, ah mais oui, c'est un super grand artiste, il va avoir 60 ans de carrière, c'est incroyable, et voilà, il tient la route. Donc Mylène, on verra. Quoi. Je lui souhaite de vivre très très longtemps et d'offrir aussi encore beaucoup d'albums, mais bon, mais pour revenir sur le côté féministe, c'est aussi une femme, on lui pardonne pas de pas parler de sa vie privée, hein. Oui. Il faudrait qu'on parle de ses amours, de ses enfants, si elle en a, ou pourquoi elle en a pas, ou s'ils sont cachés, et voilà, un homme, on va pas lui parler de tout ça, on va pas lui parler de ses amours, et une femme, on lui reproche qu'elle n'ouvre pas son appartement au photographe, et qu'elle pose pas dans Paris Match avec son copain ou son mari. Voilà, ça c'est vraiment, là pour le coup, c'est vraiment un traitement réservé aux femmes. Et Thibaut Carayol, on n'a pas parlé du dernier membre de la team Mylène Farmer, qui sont les fans. J'ai rarement vu une communauté de fans aussi fervent, en tout cas depuis que je fais Blockbuster. C'est la première fois que je vois autant faites de gens doshi, dire vous allez voir, oui c'est prévu, c'est prévu, mais vous allez voir. mais voilà quoi, il y a une ferveur, une osmose qui se fait entre elle et ses fans qui est énorme. Mais je pense aussi parce qu'elle, on se retrouve aussi dans le personnage, c'est-à-dire que on parle beaucoup de mystère, de voilà tout ce qui revient souvent. Je crois qu'on parle très peu de sincérité finalement. Et moi, c'est ce que je vois en tout cas de Mylène Farmer. Vous passiez des extraits des toutes premières interviews dans les années 80, et quand on a un regard, je dirais, macroscopique sur sa carrière, quand on dézoome, on se rend compte qu'elle est d'une cohérence incroyable. Oui. C'est-à-dire que dès les années 80. De ce qu'elle annonce, quand on lui pose des questions, on voit que la ligne directrice est très claire, elle sait où elle veut aller, elle sait ce qu'elle veut, elle sait surtout ce qu'elle veut pas. Et pour rebondir sur ce que disait Sophie tout à l'heure sur les spectacles, quand on la voit, en vrai, du coup, les rares fois, tous les 6 ans, on et se rend encore compte que oui, elle est là, et elle est avec son public, et qu'il y a une vraie relation de sincérité. C'est ça. Dans ce qu'elle propose, voilà. Pour aussi, voilà, il y a pas d'opportunisme en fait dans ce qu'elle fait. Il voilà, n'y a pas jamais d'opportunisme chez Mylène Farmer. Non, il n'y a pas d'opportunisme. Faut quand même, avec la carrière qu'elle a et le nombre de tubes qu'elle a, il n'y a que 2 best-of. Il y a certains artistes, pour ne pas les citer, Johnny Hallyday, c'était un best-of tous les Noëls. Donc Mylène, il y a très très peu de best-of. Et il pourrait, hein, elle aurait pu arroser avec des inédits, etc., mettre des faces B, etc. Elle l'a très peu fait, elle l'a quasiment pas fait par rapport aux tubes qu'elle a engendrés, quoi. On lui a beaucoup reproché au tournant des années 2000 d'exploiter ses fans en sortant des coffrets, des machins, etc. C'est quelque chose qui revenait, hein, dans les médias. Qu'on n'a jamais reproché à Johnny Hallyday. Voilà, oui, mais puisque finalement, en fait, ce qu'elle voulait, c'était faire des beaux objets et des coffrets. Il y avait des fans qui étaient là pour acheter. Ce que je tiens à dire, c'est que les beaux objets promo étaient envoyés aux radios, aux télés, et ce sont ces gens-là qui les revendaient aux fans. C'est pas Mylène qui se faisait de l'argent dessus. Mylène, ça lui avait coûté de l'argent. Il y avait un marché noir du goodies de Mylène Farmer. Mais Mylène, ça lui avait coûté de l'argent de le faire. C'était pas censé lui rapporter, et ça ne lui en rapportait pas. Non, il n'y a pas d'opportunisme. Je vous rejoins, Benoît, il n'y en a pas. Et c'est ce que je trouve admirable, une si belle carrière. Et effectivement, quand on voit l'attente des fans, elle annonce demain qu'elle, si elle devait annoncer demain qu'elle revenait sur scène, mais vous pouvez être sûr qu'il y aurait un immense engouement. Mais pour une autre raison aussi, si je peux me permettre d'élargir sur les concerts, à moins que vous ayez une question dessus, non, je ne vais pas empiéter. Là, je dérive un peu, mais Mylène Farmer a... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que la presse a quand même eu la dent un petit peu moins dure à son égard au fur et à mesure des concerts et des tournées. Au fur et à mesure, ça a vraiment mis du temps. Une certaine presse s'est un peu adoucie à son égard. Effectivement, au fur et à mesure de ses tournées, elle a forgé une image de vraie femme de scène et qu'elle n'a jamais démentie. Et ce qu'il fait qu'avec le temps, je crois que son public de fans est resté ou s'est un peu renouvelé. Bon. Mais il y a de plus en plus de gens qui sont venus la voir, alors là pour le coup, par l'effet de bouche à oreille. C'est-à-dire la tante qui va pas forcément acheter l'album de Mylène, mais qui a entendu dire par sa nièce que oh elle est super sur scène, il faut aller la voir. C'est vrai. Et aujourd'hui les gens... aujourd'hui je crois que quand Mylène annonce qu'elle va remonter sur scène, effectivement il y a un engouement pour... Oui. On va voir un spectacle. Farmer, mais comme on va voir, on vous annonce demain James Bond au cinéma. Si vous aimez James Bond, vous allez voir James Bond les yeux fermés. Pourquoi ? Parce que vous savez que vous allez avoir de la qualité. Après, vous pouvez vous amuser à comparer James Bond numéro 1, James Bond numéro je ne sais même plus combien, voilà, et dire s'il y en a un qui était un peu moins bon ou meilleur que l'autre. Mais globalement, vous savez que vous allez voir de la qualité. Et Mylène, c'est pareil. Les gens savent qu'ils vont voir de la qualité. Dans quelques instants, c'est le moment jeu du service public avec des cadeaux. Service public. Mais pour le moment, on va faire une petite pause avec Mylène Farmer, parce qu'on est sur France Inter, hein, et on va quand même écouter quelqu'un que j'aime bien, Off My Back de Jeanne Adède. Thank you. C'était Off My Back de Jeanne Haddad et maintenant on joue. Blockbuster. Le grappin m'a choisi. Frédéric Sigrist. Adieu mes amis, je vous quitte pour un monde meilleur. Sur France Inter. Et aujourd'hui on a Kevin au téléphone. Bonjour Kevin. Bonjour Frédéric. Alors première question Kevin, quelle est votre chanson préférée de Mylène Farmer? Innamoramento. Oh, ça tombe bien parce que c'est la première question justement. Ah. Est-ce que vous connaissez le principe du jeu? Oui. Je pose une question, en 20 secondes vous répondez, et si vous n'avez pas la réponse, vous pouvez faire appel à un joker autour de la table qui répondra à votre place. Donc, première question. Sur l'album Innamoramento, quel clip de Mylène Farmer a été censuré? Je veux bien demander à quelqu'un autour de la table. Alors à qui? À qui? Sophie Kerala, Thibaut Carayol ou Benoît Cachin? Thibaut Carayol. Ah bah c'est Je te rends ton amour. Bah oui. Bonne réponse. Ouais. Question suivante. En quelle année Mylène Farmer a remporté sa première victoire de la musique? En 2005? Oui. En 1988? En 1997? 88. Bonne réponse. Dernière question. Qui chante en duo avec Mylène Farmer dans la chanson que vous allez entendre? Ah, il y a toujours un moment où on est un peu plus... Ça part. Bah là, je vois pas trop. Ah. Alors, on fait encore appel à un joker? Ouais, bah je veux bien. Alors, qui cette fois-ci? Benoît Cachin, Sophie Kerala? Ouais, Sophie. Sophie. Bonjour, alors c'est Elpi. Elpi, c'était effectivement une bonne réponse. Voilà, qui chante N'oublie pas avec Mylène sur l'album Désobéissance, sorti en 2018. Eh bien... Comme c'est un peu l'école des fans du service public, hein, cette émission, vous avez gagné un exemplaire du jeu de société Blockbuster qui sortira au mois d'octobre, un partenariat des éditions Radio France et Marabout. Merci Frédéric, tu peux passer une petite dédicace? Allez-y. Merci, alors déjà merci pour ton émission, c'est top, je pense qu'on est beaucoup à aimer ça et je voudrais faire une dédicace à ma chérie que j'aime très fort et à mes copains du foot du club de l'US Lanvalet en Bretagne. Eh ben on leur passe le bonjour, merci beaucoup Kevin. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci. Alors, justement, là, on a fait une émission non exhaustive sur Mylène Farmer parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais si jamais vous vouliez faire découvrir Mylène Farmer à quelqu'un, par quel album et par quelle chanson vous feriez ça, Thibaut? Je ferais ça par moi. Ce serait le live à Bercy. Voilà, sorti en 96, je pense que... C'est par là que je suis rentré aussi. Oui, on en a un peu parlé en antenne. Et par la chanson Désenchanté, live 96. Alors ça, vous savez, s'il y a une chanson que je crois que j'ai le plus écoutée dans ma vie entière, je crois que c'est cette version-là. Je pense qu'il y a tout. Il y a les tubes, il y a les chansons, et puis il y a ce qu'on disait, en fait, de cette relation incroyable avec le public aussi. Et puis c'est juste un super album live, quoi. Voilà, c'est du live. Et c'est et puis la pochette est incroyable. Benoît Cachin. Alors moi, je vais pas être très original parce que comme j'aime beaucoup les discographies, je commencerai par la première, Maman a tort, voilà, et j'enchaînerai, voilà, jusqu'à chronologiquement, jusqu'à Histoire 2 version live, voilà. Donc c'est non chronologique, Maman a tort. Sophie Kerala. Je crois que bizarrement, je commencerai par l'album Innamoramento. Allez, cette chanson est splendide. Hein. L'album. La chanson, magnifique, mais l'album aussi, qui a été pour moi comme une renaissance, cet album, quand il est sorti. C'est-à-dire, j'avais un peu délaissé Mylène, et j'y suis revenue grâce à cet album. Voilà. Et bien parfait. Et puis moi, je conseillerais la chanson Que mon cœur lâche, qui est ma chanson préférée. Voilà. Merci Benoît Cachin, merci Sophie Kerala, merci Thibaut Carayol. Merci beaucoup. Comme toujours, je le rappelle aux auditeurs, si vous le désirez, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur la page Facebook de l'émission, et également Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI. Si on fait ce métier, c'est qu'on a envie d'y laisser quelques plumes et quelques traces, bien sûr, ça m'importe. C'est que je vais tout faire pour qu'on ne m'oublie pas. Et on se retrouve demain pour parler du jeu vidéo, véritable phénomène des cours de récré et phénomène de société tout court, Fortnite. On change d'univers. Hein. Mais pour le moment, on retrouve Anna Sigalevitch avec le Mac de l'été. Bonjour Anna. Bonjour Frédéric. Ah, vous étiez loin. Où êtes-vous aujourd'hui? Oui, oui, on a fait beaucoup de routes. On est dans le Pays Basque, à Basoussari, chez l'écrivain Marie Dariosek. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne émission, et puis revenez-nous vite. Merci beaucoup.